Radio Notre-Dame, la vie prend un sens. Merci de votre fidélité à Radio Notre-Dame. Prochain point sur l'actualité à 8h avec le Flash Info, puis à 8h30 avec l'actualité internationale dans le journal de Radio Vatican. 7h35, comme tous les matins, le grand témoin Louis Dauphresne. Le grand témoin Louis Dauphresne. Nous sommes en guerre, s'écrie donc le président de la République. Voilà un an que la France se voit imposer l'état d'urgence. On ne va pas épiloguer sur l'épuisement des troupes, les missions apparemment dérisoires auxquelles elles sont employées, du moins pour une partie d'entre elles. Même s'il est tout de même important de se poser une question simple au-delà des moyens sur lesquels on se focalise peut-être à l'excès. Qu'en est-il de l'art de s'en servir, de la cohérence, de la vision stratégique ? On peut douter de l'efficacité des services de l'État à gagner la guerre, qu'il s'agisse de la police ou de la justice. Alors s'agit-il d'une affirmation gratuite ? Ce n'est pas l'avis, en tout cas, de la personne que nous recevons ce matin. Un fait est là. On connaissait le projet d'attentat contre le Bataclan depuis le 6 mai 2009. C'est ce qu'a découvert Philippe Cohen-Grillet, il en a déjà parlé. Du moins, ça en est déjà expliqué dans la presse, il est spécialiste des dossiers terroristes. Il a remonté une piste sanglante et il fait la synthèse aujourd'hui de cette enquête sur l'enquête. Ça s'appelle « Du Caire au Bataclan, autopsie d'un désastre » aux éditions Plein Jour. Bonjour Philippe Cohen-Grillet. Bonjour. Le lendemain de 13 novembre, alors cette date extrêmement sombre. Tout d'abord, une première question liée à l'actualité immédiate. Prolonger l'état d'urgence, c'est une bonne mesure pour vous ? C'est une mesure qui s'impose. On ne peut pas faire l'économie aujourd'hui de cet état d'exception. Mais tout le paradoxe est là, c'est que c'est bien un état d'exception. Ce qui veut dire qu'à terme, ce sont les libertés fondamentales, les libertés républicaines qui sont mises en cause. On ne peut pas vivre dans un état de droit avec des dérogations permanentes au droit commun. Donc il faudra adapter à terme la législation et le cadre législatif à la lutte antiterroriste. Mais les entorses aux libertés sont-elles nécessaires justement pour qu'il n'y ait pas de ratage du point de vue de certaines enquêtes ? Est-ce que ça ne va pas finalement dans le sens ? Ce n'est pas tant d'empêcher les ratages, c'est qu'aujourd'hui l'état d'urgence permet notamment des perquisitions administratives, c'est-à-dire hors du contrôle préalable d'un juge judiciaire, des perquisitions de nuit. Elle permet surtout également des assignations à résidence, c'est-à-dire avec des personnes que l'on va surveiller, qui vont aller pointer 3 ou 4 fois par jour au commissariat, que l'on tient à l'œil, entre guillemets. Mais tout ça, ce sont des mesures qui sont également des entraves à la liberté. Donc on ne peut pas prendre ça à la légère. Est-ce qu'elle s'imposait nécessairement ces mesures ? Ma question se fait plus précise dans la mesure où si on les avait prises plus tôt, est-ce que vous n'auriez pas eu besoin d'enquêter sur l'enquête comme vous l'avez fait ? C'est une question très difficile. Je ne pense pas que quelques mesures que ce soit auraient pu éviter les attentats de cette ampleur. En revanche, une véritable réflexion sur le système judiciaire et sur le fonctionnement, l'articulation entre le renseignement d'une part et le traitement judiciaire du renseignement antiterroriste, ça aurait sans doute permis de prendre la mesure de la menace. Alors, Philippe Cohen-Grillet, on va d'abord voir votre itinéraire rapidement avec Marion Duchesne, puis on va explorer des pistes justement que vous avez remontées et que vous explorez avec nous. C'est à Paris que vous voyez le jour en 73. Les livres ont pour ainsi dire toujours fait partie de votre entourage, Philippe Cohen-Grillet. À l'école, l'un de vos profs de français, autrefois secrétaire particulier de Paul Valéry, vous fait découvrir Colomba de Prosper Mérimée. Souvenir particulier ? Tout à fait. C'était le professeur s'appelait Monsieur Rambaud. Et c'est une lecture qui m'a profondément marqué. Parce que, voilà, chez Mérimée, bien évidemment, on est dans la Corse, dans ce qu'elle a de plus, rude, avec de la vengeance, avec des sentiments exacerbés. Et tout ça porté par une plume absolument lumineuse. Très vite, vous avez eu envie à votre tour d'écrire des romans, mais ce sont des études de droit et de sciences politiques que vous suivez d'abord. Marion Duchesne retrace votre itinéraire. Mes études m'ont apporté des choses capitales pour mon métier de journaliste et mes enquêtes, raconte Philippe Cohen-Grillet. À 17 ans, il côtoie les cercles littéraires parisiens et rejoint le Jean Edern's Club. Jean Edern allié, une rencontre décisive. C'était à la fois la pitié, la piété, l'arrogance et le scandale, souligne Philippe Cohen-Grillet, qui n'a jamais oublié les mots de l'écrivain. Il n'y a pas de fond sans forme et pas de style sans idée. En 1995, alors qu'il est encore étudiant, Philippe Cohen-Grillet travaille pour Sud-Ouest et Infomatin comme correspondant local, la meilleure école de journalisme, dit-il. Son premier article, il l'écrit sur le centenaire d'une retraitée à Bordeaux. À 24 ans, il publie sa première enquête, Maurice Papon de la collaboration aux Assises. C'est le criminel de bureau qui m'a intéressé, explique Philippe Cohen-Grillet. 16 ans de combat judiciaire et déjà une affaire d'État. Le journaliste travaille pour l'événement du jeudi, le JDD. En 99, il devient chef de service à VSD avant de collaborer au Canard Enchaîné au Figaro Magazine dans les années 2000. 2 ans, François, Philippe Cohen-Grillet décide de devenir journaliste indépendant et publie son premier roman, Haut et Court. Rencontrer les gens, raconter une histoire, voilà ce qui m'intéresse, répète Philippe Cohen-Grillet. Le journalisme, pour moi, c'est la version la plus plausible de la vérité. Son livre sur les attentats du Caire et du Bataclan, c'est pour la toute première victime, Cécile Vanier, qu'il a décidé de l'écrire. Il y a des gens brisés, détruits à jamais, foutus, lance Philippe Cohen-Grillet, qui entend bien mettre le doigt sur le silence et le déni des politiques. Mon livre, je l'ai écrit comme mes 2 premiers romans, avec un peu d'humour. C'est la seule façon d'affronter ce que je révèle, cette tragédie humaine. Et lorsqu'on demande à Philippe Cohen-Grillet s'il est croyant, Dieu m'en préserve. Alors, pourquoi Dieu m'en préserve ? Pourquoi ça rend stupide ? Ah non, pas du tout. Au contraire, je pense que dans la foi, ma conception, c'est que c'est quelque chose de très personnel, d'intime. En revanche, le fait religieux est un fait social, politique, à prendre en compte, extrêmement important. C'est peut-être avec le pardon, la notion de pardon, que j'ai le plus de difficultés. Je pense pas... J'ai un très bon ami, Jean-Elvis Ebang, Bango, au Gabon, qui est président de l'association de lutte contre les crimes rituels. Son fils de 12 ans a été tué d'une façon abominable. Lui est un catholique, pratiquant, fervent. On a souvent discuté tous les deux de la notion de pardon. Moi, contrairement à lui, j'ai du mal à penser que c'est une notion qui est valable en tout temps et en tout lieu. C'est-à-dire que tout le monde n'est pas prêt à pardonner ? Voilà, oui. Ça c'est tout à fait relatif comme tout à notion. Fait. Philippe Cohen-Grillet, juste, j'y pense à l'instant, on parlait juste avant d'entrer en studio de la figure de Fabien Klein. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot, puisqu'on parle justement de cet aspect religieux, lui qui a converti toute sa famille. Pouvez-vous nous raconter l'histoire ? Oui, en 2 mots, Fabien Klein, c'est vraiment un personnage très important. Alors, d'abord pour préciser qui il est, quel est son rôle central dans les attentats, lui et son frère, Jean-Michel, ont revendiqué au nom de l'État islamique, 24 heures après, les attentats du 13 novembre, depuis la Syrie, où ils sont encore probablement du côté de Raqqa. Fabien Klein, c'est un bon petit catholique. Moi, je connais beaucoup de ses anciens amis et c'est ainsi qu'on me l'a décrit. Il était dans une ville moyenne de province, en Normandie. Il aimait le rap, il aimait le basket, c'est-à-dire des joies très américaines. Sa mère était également catholique. Elle faisait jurer sur la croix à ses enfants chaque Noël, probité et fidélité. Et puis, il y a eu des rencontres en 99-2000. Des rencontres à Paris avec des musulmans radicaux, ultra radicaux, et Fabien Klein a basculé. C'est quelqu'un au profil particulièrement intelligent, avec un charisme indéniable, et il a commencé d'abord à vouloir convertir tout le quartier, m'a-t-on raconté, avec plus ou moins de succès, en revanche avec beaucoup de succès auprès de sa famille. Puisque son frère, sa mère, ses sœurs, voilà, tout le monde s'est converti. À la fin, ils sont 18. À la fin, voilà, il y avait, avec les enfants, il y a 18 personnes à peu près qui sont parties en Syrie, dont la mère de Fabien Klein, qui est décédée sur le chemin d'un problème hépatique. Et les autres, ils sont encore ? Pour la majorité d'entre eux, ils y sont encore. En ayant quitté la Normandie ? Oui, ils ont. Fabien Klein avait été condamné en 2009 à 5 ans de prison pour une filière d'acheminement de combattants djihadistes vers l'Afghanistan. Il a purgé avec les remises de peine 2 ans et demi. Il était interdit de séjour dans 21 départements, mais on l'a vu se promener à Toulouse, en Seine-Saint-Denis, en Normandie. Toulouse et la Seine-Saint-Denis, où il n'avait pourtant pas le droit de se rendre. Et il a pu faire et continuer beaucoup de rencontres durant ces années-là. Et ils ne sont partis que très tardivement, c'est-à-dire début 2015, en tout cas au moins un mois et demi, voire deux mois après les attentats contre Charlie Hebdo et l'hypercachère, alors même qu'ils étaient les deux frères et une des sœurs de Klein surveillées par la DGSI. Alors, deux points, Philippe Cohen-Grillet. Le premier, c'est en lien justement à ce qu'on disait dans le portrait, d'abord les questions liées aux conversions, à la croyance. Est-ce que vous, le journaliste qui avait un instinct d'enquêteur judiciaire, comment est-ce que vous faites entrer dans votre psychologie cette capacité à basculer d'un univers culturel à un autre ? Est-ce que ça demande à être un profileur ? Vous savez, c'est une profession un petit peu nouvelle. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ça devient obligatoire pour saisir les enjeux du terrorisme islamique d'être un profileur ? Non, je ne pense pas. Ce qui est important de comprendre, c'est que nous sommes face à des individus pour qui le martyr, l'objectif final, est beaucoup plus important que les contingences matérielles et que les objectifs tactiques qui peuvent être des attentats. Ce que je veux dire par là, c'est que ce sont des personnes qui sont déterminées, que la mort pour eux est un aboutissement, puisqu'elle s'inscrit dans un projet stratégique qui est à terme, très long terme, ils ont tout le temps, l'instauration d'un califat islamique et donc le retour à un âge d'or de l'islam complètement fantasmé. Oui, mais enfin, quand on fait du basket et du rap et qu'on fête Noël, à première vue, on est encore très loin de tout ça. Oui, mais après, on se heurte aux réalités de la vie quotidienne, à des déceptions, à des frustrations. Et on a souvent des envies également de reconnaissance, ce qui est très très humain. Et lorsque l'on tombe sur des personnes qui sont suffisamment malignes, qui ont un discours suffisamment précis, pointu, pour vous faire miroiter la possibilité d'accéder à un rang supérieur, quasiment à un rang messianique, en devenant martyr, c'est très flatteur pour l'ego. Sauf qu'un martyr, en tout cas pour le catholicisme, un martyr c'est quelqu'un qui ne répand pas à la violence mais qui subit celle des autres. Ah oui, là on est exactement dans le schéma inverse. Est-ce qu'à votre avis, pour Fabien Klein, si je reprends cet exemple, est-ce qu'il y a un niveau de détection à partir duquel on aurait pu opérer très tôt pour voir qu'il allait devenir un individu dangereux? Écoutez, moi dans le livre, je cite une note de la police belge, inédite, je cite de... plusieurs centaines de documents. Cette note de la police belge, que je reproduis partiellement, elle date de 2003. Fabien Klein est né en 78. Et les polices belges l'a repéré à Bruxelles comme un membre déjà important de la mouvance islamique la plus radicale. On est en 2003. Tous ces renseignements, ils sont bien sûr transmis aux autorités françaises et aux services de renseignement. Klein, il est dans les radars très très tôt, mais comme beaucoup d'autres qui sont notamment entre la Belgique et la région de Toulouse, la fameuse filière Artigat avec l'émir blanc Olivier Corel qui aujourd'hui continue son petit bonhomme de chemin et qui a tout de même vu passer et vu défiler le banc et l'arrière-banc des djihadistes sanguinaires, c'est-à-dire Mera, les frères Klein, mais encore beaucoup d'autres. Et où est-il Olivier Corel ? Ah ben il est chez lui avec son épouse à Artigat. Tout va très bien. Il y a eu une perquisition à son domicile Comment en décembre. Bah tout va très bien, oui. Il y a eu une perquisition en décembre 2015 à son domicile. On a retrouvé des armes avec détention illégale. Il a écopé de 6 mois avec sursis. Point. Voilà. Aujourd'hui, il se promène tranquillement. Ah oui, il est libre. Bah, on n'a rien à lui reprocher. Alors dites-nous qui il est. C'est quelqu'un qui vient du Liban. Qui est également extrêmement brillant. Alors lui, une famille d'un niveau intellectuel supérieur. Il s'est installé en France en 1973. Il a été naturalisé français 10 ans plus tard, en 83. Et Corel, ça vient de l'imagination d'un officier d'état civil qui lui a dit « Qu'est-ce qui vous intéresse dans la vie ?» Il lui a répondu « Bah, la religion, la spiritualité. » Il lui a dit « Bah, corrélégionnaire, tiens, ça vous va ? Ah bah, tiens, on va faire Corel. » Voilà, c'est de là que vient son nom, j'allais dire, français, d'état civil français. Et comment s'appelait-il avant ? Il a un nom un petit peu compliqué, que j'ai dit dans le livre. Il a très très vite rassemblé autour de lui une communauté de jeunes, Et il a esséminé, il a eu une réputation. Voilà, on l'a appelé l'émir blanc, d'un véritable chef religieux, d'un sage, de quelqu'un qui connaît très bien, en effet, la spiritualité. Et ça lui a permis d'avoir un véritable ascendant. Et il le prêche, il prône un islam de combat, un djihad. Et aujourd'hui, il le fait de chez lui. Ah oui, tout à fait. Il l'a toujours fait depuis Artigat. Alors Artigat, rappelez, est-ce qu'il y a quelle est la connexion que vous faites entre le Bataclan et lui ? Alors, lui directement, pas de connexion. En revanche, ce qui apparaît au fil de mon enquête et ce que je raconte très en détail dans le livre, les frères Klein ont rencontré très tôt en Belgique un dénommé Farouk Ben Abbès, qui est un citoyen belge, qui a également la nationalité tunisienne, mais il n'a jamais mis les pieds en Tunisie. Ces personnes-là sont donc tous membres d'une branche extrêmement radicale, se sont retrouvés au Caire fin 2008. On retrouve un certain nombre d'autres francophones. Beglagdem, les frères Beglagdem, dont un a été tué par les services spéciaux belges en 2013, c'est lequel on a retrouvé un arsenal absolument terrifiant. À ce moment-là, Farouk Ben Abbès décide de passer à Gaza. Et à Gaza, il va tomber. Alors, il va à Gaza, dit-il, encore aujourd'hui, pour faire de l'humanitaire. En fait, on sait, et c'est acté, c'est prouvé, ce sont des éléments du dossier que je cite très précisément dans le livre. Il rencontre des membres de l'armée de l'islam, qui est la branche d'Al-Qaïda à Gaza, qui est une branche extrêmement dure, qui a des objectifs politiques très différents du Hamas. Puisque pour eux, le djihad doit être porté, y compris au-delà des simples frontières de la Palestine. Et le but du jeu ne consiste pas uniquement à éradiquer Israël, mais c'est également de frapper l'Occident. Le 22 février 2009, une bombe explose au Caire. Donc Cécile Vanier. Et Cécile Vanier, 17 ans, qui est en voyage avec ses camarades. Ils sont lycéens, ils viennent de Levallois-Perret. Cécile est tuée sur le coup. 24 personnes sont blessées, dont 16 de ses camarades, certains très grièvement. Ils en ont encore pour certains des séquelles aujourd'hui. Cet attentat, il est fomenté, organisé et mis en œuvre par l'armée de l'islam. Avec, là encore, je le démontre, preuve à l'appui dans le livre par l'analyse de notre croisée à la fois des services secrets de la DGSE et des services de renseignement, à l'époque des CRI, avec une motivation clairement française visant le rôle supposé de la France dans le conflit israélo-palestinien. Et lorsque les policiers égyptiens vont arrêter 7 personnes dans le cadre de cet attentat, ils vont arrêter notamment Farouk Ben Abbès et une Française, Doudé Ocha, qui est une Française née en France, en banlieue parisienne, d'origine albanaise. Et Farouk Ben Abbès va expliquer aux policiers égyptiens qu'il a un projet d'attentat contre le Bataclan. Alors aujourd'hui, il dit que ses aveux lui ont été extorqués sous la torture et qu'ils n'ont donc aucune valeur. Mais il y a beaucoup d'autres éléments dans le dossier. Donc ça, c'est l'info du 6 mai 2009. Ça, c'est l'info du 6 mai 2009. Immédiatement, les policiers égyptiens préviennent les autorités françaises. Donc quand même efficace, les policiers égyptiens, parce qu'ils arrêtent la bonne personne. Ah, tout à fait. Enfin, en tout cas, ils arrêtent une personne qui est, qui a déjà un passé, un passif assez lourd. Et ils donnent des renseignements extrêmement précis, les policiers égyptiens. Ils n'ont pas le guide du Paris by night. Pour eux, le Bataclan, c'est qu'ils ne connaissent pas très bien. En revanche, il y a une note que je reproduis également, qui est adressée donc au parquet de Paris, section antiterroriste, où un policier de la DCRI à l'époque écrit noir sur blanc, Farouk Ben Abbès a un projet d'attentat contre la salle de spectacle Le Bataclan, au motif que celle-ci appartient à des juifs et que des soirées en faveur du Magav, c'est-à-dire les gardes-frontières israéliens, y sont organisées et que donc c'est une cible légitime. À ce moment-là, le parquet de Paris va ouvrir une enquête préliminaire, puis une instruction qui sera confiée au juge Christophe Tessier. C'est aujourd'hui le même juge qui est à la tête du pôle de magistrats instructeurs qui enquête sur le 13 novembre et donc sur le Bataclan. Bon, cette enquête va durer. Elle va durer 2 ans et demi. Et là, patatras, le procureur de la République, déjà M. Molins à l'époque, sous son autorité, recommande un non-lieu, un réquisitoire aux fins de non-lieu qui est pris, 12 pages. Puis le juge Christophe Tessier, fin 2012, va en effet rendre une ordonnance de non-lieu en faveur de Farouk Ben Abbès. Fin du dossier. Un des problèmes est qu'il n'y a pas de victime. Donc il n'y avait pas de partie civile. Donc ce dossier... Comment ça, il n'y a pas de victime ? Mais c'était un projet d'attentat. Ah oui, pour ce... Entre 2009 et 2012, la justice enquête sur un projet d'attentat extrêmement précis. Elle a des charges extrêmement lourdes. Mais en effet, il n'y a pas eu de passage à l'acte. Donc, il n'y a pas eu de victime, donc pas de partie civile. Donc, qui est au courant de ce dossier-là ? Le parquet, le juge d'instruction, la personne mise en examen, bien évidemment, Farouk Ben Abbès, ses avocats, ce qui est tout à fait normal, et les autres personnes qui sont entendues, notamment les frères Klein, qui sont entendus à de nombreuses reprises dans ce dossier. Je publie des PV qui sont absolument éloquents. Où est-il Farouk Ben Abbès à ce moment-là ? Lui, il est en France. Il a été expulsé d'Égypte début 2010 vers la Belgique, vers son pays, où il a été pisté par les services belges. Et lorsqu'il a voulu passer la frontière avec la France, il a été arrêté et immédiatement mis en examen et écroué durant 16 mois. Après, il a été libéré. Donc il est pris au sérieux, Philippe Lengriel. Tout à fait. Le juge Tessier prend très au sérieux ses menaces, puisqu'il enquête pendant 2 ans et demi, qu'il y a 6000 pages de dossier. Petite nuance tout de même, contrairement à ce que certains ont pu dire, notamment des députés français et notamment le député Alain Marceau, en tenant des propos qui sont du niveau de la buvette de l'Assemblée nationale, lorsqu'il a osé dire « nous devons à la naïveté des Belges 130 morts », Monsieur Marceau avait peut-être un moment d'absence lorsque la commission d'enquête parlementaire s'est rapidement penché sur cette question, mais ce dossier d'instruction initiale de 6000 pages, les deux tiers, ce sont des documents qui viennent de Belgique, de la police et de la justice belge. Donc oui, à ce moment-là, tout de même, les choses sont au sérieux. Mais ça se termine par un non-lieu. Et le plus étonnant et le plus inquiétant peut-être, c'est qu'à aucun moment, la direction du Bataclan, à aucun moment... La sécurité du Bataclan, Didi par exemple, que l'on a revu hier, le chef de la sécurité du Bataclan, un véritable héros, n'ont été informés de ces menaces. Philippe Cohen-Grillet, vous restez avec nous, on y retourne dans quelques instants, après les infos de Flora Cortès avec nos années de plomb aux éditions Plein Jour. On se retrouve juste après les infos de Flora Cortès à 8h. Bonjour, ici Grégory Turpin. Je serai sur la scène du Trianon à Paris le dimanche 27 novembre pour 2 concerts exclusifs à 16h et à 20h. L'intégralité des bénéfices sera reversée à l'association Fraternité en Irak. Cette somme récoltée permettra de construire une école à Bassora en Irak. Je vous proposerai de découvrir mon dernier album Changer de vie. N'hésitez pas à réserver vos places dans les points de vente habituels tels que la Fnac, les hypermarchés ou sur mon site internet grégoryturpin.com. Vous êtes démuni devant le handicap de votre petit enfant et la souffrance de vos enfants ? Vous éprouvez le besoin de partager avec d'autres grands-parents dans votre situation ? L'OCH vous propose une journée de ressourcement le jeudi 1er décembre à Paris. Contactez-nous au 01 53 69 44 30 ou sur www.och.fr. Dimanche 13 mars, venez courir la Solirun au Bois de Boulogne. Solirun, la course solidaire contre le mal-logement au profit d'Habitat et Humanisme et de ses projets en faveur des plus défavorisés. 1, 2, 6, 10 km, je choisis ma course sur www.solirun.com et j'y inscris voisins, amis et tous mes proches. Dimanche 13 mars, au Bois de Boulogne, courons pour la Solirun. www.solirun.com pour et avec les familles d'Habitat et Humanisme. Radio Notre-Dame. À 8h-2, comme chaque matin, le père Jean-Marie Crespin. Chers auditeurs, bonjour. Nous sommes avec Radio Notre-Dame depuis dimanche en Terre Sainte. Et hier, nous étions à Nazareth. Nazareth, un lieu merveilleux, un lieu magnifique, qui a vu pendant 30 ans Jésus grandir en sagesse. Et nous avons peut-être à recevoir, chacun d'entre nous, à travers ce mystère de Nazareth, à découvrir les apprentissages qui sont nécessaires à la croissance spirituelle. C'est le lieu pour ça. Et hier, pèlerinant sur cette voie de Nazareth, nous avons pu observer la vie, l'enfance de Jésus, ses apprentissages qui sont pour nous une invitation à comprendre que notre vie doit rentrer dans un mouvement qui s'inscrit dans le temps. La vie chrétienne n'est pas simplement un ici et maintenant, Mais la vie chrétienne, c'est d'abord radicalement le fait que nous puissions découvrir que le Seigneur nous appelle à quelque chose et ce chemin, nous avons à le prendre. Comme Jésus prit le chemin de l'apprentissage, nous-mêmes, nous sommes invités à prendre le chemin de l'apprentissage en mettant nos pas sur les pas du Christ. En tout cas, c'est ce que nous allons faire au cours de la semaine. Merci Père Jean-Marie Crespin. Encore une matinée et une journée pluvieuse aujourd'hui avec des températures qui ne vont pas monter bien haut, 7 degrés ce matin jusqu'à 14 en région parisienne et une semaine qui ne s'annonce pas forcément sous de bons auspices. Naturellement, si vous nous écoutez, vous avez raison, c'est Philippe Cohen-Grillet, journaliste, enquêteur, écrivain. Avec nos années de plomb, on revient sur l'enquête depuis l'attentat du Caire et qui remonte jusqu'au Bataclan. 8h les infos, Flora Cortès. Bonjour à tous. L'état d'urgence, régime d'exception en vigueur depuis un an et dont l'efficacité est mise en question, devrait être prolongé en janvier prochain pour plusieurs mois. Pendant quelques mois avec cet état d'urgence, déjà reconduit fin juillet pour 6 mois, après Manuel Valls dimanche sur la BBC. Alain Juppé reste en tête des intentions de vote, 36% à la primaire de la droite, mais voit fondre son avance sur Nicolas Sarkozy à 30% et François Fillon 18%, tous deux en hausse selon un sondage Kantar Sofres pour RTL LCI Le Figaro publié ce matin. Avec 36% d'intention de vote au premier tour de la primaire qui aura lieu dimanche, le maire de Bordeaux est en baisse de 6 points par rapport à la précédente enquête parue au mois d'octobre. Le nombre de jeunes qui sortent du système scolaire sans qualification est descendu sous les 100 000 par an, va annoncer aujourd'hui Najat Vallaud-Belkacem, diminution qui reste toutefois inférieure aux objectifs de François Hollande. La ministre de l'Éducation nationale, qui organise aujourd'hui un séminaire sur le décrochage scolaire, va annoncer que ce phénomène devrait concerner 98 000 jeunes en 2016, après 107 000 en 2015, 110 000 en 2014. Ce lundi 14 novembre est la journée mondiale du diabète. À cette occasion, la Fédération française des diabétiques organise une campagne de prévention avec l'objectif d'enregistrer 1 million de dépistages. Il est urgent de dépister, diagnostiquer la maladie et fournir un traitement approprié, rappelle-t-elle. En effet, selon les chiffres de la Fédération internationale du diabète, 193 millions de personnes ignorent qu'elles sont atteintes, courant le risque de la glycémie élevée, endommageant silencieusement l'organisme. Dans l'actualité internationale, alors que l'offensive des forces irakiennes sur Mossoul entre dans sa 5e semaine, le groupe djihadiste Daesh cède aussi du terrain en Syrie où une course contre la montre oppose Kurdes et Turcs vers Raqqa. Enfermé à Mossoul, son dernier bastion irakien, Daesh a perdu dimanche une de ses prises symboliques à une trentaine de kilomètres plus au sud avec l'ancienne cité antique assyrienne de Nimrod. Jusqu'à 200 enfants âgés de moins de 5 ans risquent de mourir de faim chaque jour dans le nord-est du Nigeria, épicentre des violences du groupe djihadiste Boko Haram, selon des estimations de l'ONG Save the Children révélées ce lundi. Les nouveaux chiffres recueillis par l'ONG révèlent que la moitié des enfants de moins de 5 ans souffrent de malnutrition aiguë, réfugiés dans des districts du nord-est du Nigeria où l'organisation peut travailler. Enfin, de nombreux Néo-Zélandais ont fui dans la nuit de dimanche à lundi les zones côtières après qu'un séisme de magnitude 7,8, un des plus forts jamais enregistrés dans le pays, a secoué la Nouvelle-Zélande, faisant au moins 2 morts, endommageant des bâtiments et provoquant un tsunami. Selon le ministre de la Défense civile, le bilan ne devrait toutefois plus s'alourdir. Le grand témoin, Louis Dauphresne. On aurait pu, on aurait dû prévenir le Bataclan avant que le drame arrive. Il y avait des informations à la possession des services français. Elles n'ont pas été justement suivies des faits, ces informations-là. C'est Philippe Cohen-Grillet qui en fait la synthèse dans une enquête qui s'appelle « Nos années de plomb du Caire au Bataclan ». Autopsie d'un désastre pour ceux qui n'auraient pas suivi. Le Caire, c'est l'attentat de 2008 qui cible délibérément la France. Philippe Cohen-Grillet, c'est là que vous commencez votre enquête. Il y a un certain Farouk Benabès qui est arrêté. On sait, parce qu'il le dit, qu'il vise une salle de spectacle parisienne, c'est transmis au service belge, au service français, mais voilà, ça tombe après sous une ordonnance de non-lieu parce qu'il y a une enquête qui est ouverte pendant 1 an et demi, et puis les services estiment que cela ne doit pas aller plus loin et c'est motivé. Est-ce qu'on peut savoir par quel argument ce non-lieu est motivé ? Oui, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge Christophe Tessier fait 13 pages, à chaque élément à charge. Il y a un coup de balai. Je vais donner un ou deux exemples précis, si vous voulez, concrets. Sur Farouk Ben Abbès, les policiers égyptiens ont saisi un support informatique qui contenait notamment un logiciel qui s'appelle Mujahideen Secret, qui est un logiciel de cryptage qui permet des communications entre djihadistes en toute confidentialité. Et également une littérature islamique de très haut niveau qui a été analysée par les policiers français. Et également plusieurs centaines et centaines de pages et de modes d'emploi précis avec photos et vidéos d'explosifs. Lorsque le juge montre ça à Farouk Ben Abbès, Farouk Ben Abbès répond « c'est pas à moi ». Enfin si, c'est à moi, mais c'est les policiers égyptiens qui ont rajouté ça dedans pour me faire plonger. Pourquoi ? On ne sait pas. Les policiers français qui ont expertisé ce document informatique prouvent que les policiers égyptiens n'ont pas pu trafiquer ce support informatique. Parce que les dates des fichiers sont antérieures à l'arrestation de Farouk Ben Abbès. Eh bien, le juge ne tient pas compte de cet élément qui émane pourtant de la police française. Il s'en est expliqué par la suite ? Non, parce qu'un juge d'instruction n'a pas à s'expliquer. Idem, la piste précise d'un complice présumé qui devait être un des logisticiens de l'attentat contre le Bataclan. On a son nom de guerre. Abou Mohamed. C'est extrêmement compliqué, ils s'appellent tous Abou, et Abou Mohamed, c'est un des surnoms les plus utilisés. Simplement, les policiers belges, par exemple, adressent une note au service français, et donc à la justice française, en disant, voilà, nous on pense que ce Abou Mohamed, il s'appelle Mahdi Maroufi, et voilà pourquoi on le pense, on a quatre éléments extrêmement tangibles. Eh bien, dans l'ordonnance du juge, il est écrit, noir sur blanc, que l'existence juridique de Abou Mohamed n'a pas été prouvé. En tout cas, on n'a pas été chercher M. Maroufi pour lui demander. Il y a beaucoup d'autres éléments comme ça. Et donc, Mahdi Maroufi, aujourd'hui, est dans la nature. Dans la nature. On ne sait pas où il est. Je suis allé récemment, il y a quelques semaines, quelques jours en Belgique. J'ai pu discuter avec quelques interlocuteurs qui, bien évidemment, le cherchent. Il est probablement en Syrie. Bon, alors, Farouk Ben Abbès, Mahdi Maroufi, oui. Ce sont quand même des personnages absolument clés de cette histoire. Du début de l'histoire. Du début de l'histoire, ouais. Qui auraient pu, s'ils avaient été suffisamment pistés, d'une certaine façon, qui auraient pu éviter le pire. Aurait pu éviter le pire s'ils avaient été suffisamment pistés. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas eu le non-lieu, qu'est-ce qui se serait passé ? Mais s'il n'y avait pas eu le non-lieu, à la limite, le problème, d'abord le problème, c'est ce non-lieu, mais au-delà du non-lieu, le problème est qu'à aucun moment, le juge, comme les services de renseignement, n'ont jugé utile d'informer les propriétaires du Bataclan et la sécurité du Bataclan de l'existence même de leur enquête et donc encore moins de l'existence des menaces. Or, lorsqu'on se sait menacé, on fait tout pour se protéger. Ce qui est incroyable, c'est que dans ces 7000 pages, dans ces 6000 pages pardon, de dossiers d'instruction, le terme Bataclan apparaît 7 fois, dont 3 fois sous la plume d'une des co-suspectes de l'attentat du Caire, la Française Doudé Ocha. La question elle est de l'attentat précise d'un projet d'attentat sur le Bataclan, elle est posée à Farouk Ben Abbès en 2 ans et demi d'enquête à 2 reprises, pas plus. Et il est resté 16 mois en détention provisoire. Le problème, encore une fois, c'est qu'il n'y a pas eu d'information et que rien n'a fuité. Or, les propriétaires du Bataclan et même le chef de la sécurité, il dit qu'on a eu vraiment, avec beaucoup d'émotion et de plaisir, le bonheur de revoir hier, qui est un véritable héros du 13 novembre, on ne lui a jamais fait part de ces menaces. Est-ce qu'aujourd'hui, ça prête à conséquence ? C'est-à-dire, est-ce que ça crée un précédent qui oblige maintenant ceux qui savent à faire descendre l'information ? En tout cas, est-ce que ça peut se terminer devant les tribunaux ? Non, pas du tout. Il n'y a pas de faute, encore une fois. Enfin, il n'y a pas de faute. Il n'y a pas de faute, vous semblez dire quand même qu'il y a une anomalie. Oui, mais il n'y a pas de faute au sens juridique du Alors, terme. Voilà, c'est la question. Voilà. Bon. Un autre exemple. C'est-à-dire, on ne peut pas se retourner contre l'État. Bien sûr que non. Non, pas là-dessus. Un autre exemple. Le jeune qui a assassiné le père Jacques Hamel. Bien. Il a été libéré par une juge d'instruction. Ce jeune a 19 ans. La juge d'instruction considère que, ben voilà, il lui a dit « Vous savez, madame la juge, moi ça va beaucoup mieux, l'islam radical, ça m'intéresse plus. » Elle le laisse en liberté, sous contrôle judiciaire, avec un bracelet électronique, et il a le droit de sortir de chez lui entre 8h et midi. Eh bien, c'est en respectant scrupuleusement ce que la juge attendait de lui, entre 8h et midi, qu'il a pris un couteau avec deux complices et qu'il a été tué le malheureux père Jacques Hamel. On n'a rien à reprocher à la juge. Rien. Donc, elle ne rend de compte à personne. Mais non, elle a estimé que ce garçon ne présentait pas une dangerosité telle qu'il était nécessaire de le laisser incarcérer. Alors, est-ce que vous estimez, Philippe Cohen-Grillet, que les personnes qui occupent donc des rôles clés, puisqu'ils ont la possibilité de libérer ou de maintenir en détention des individus, est-ce que vous estimez, ils sont quoi? Ils sont mal formés? Ils ne sont pas suffisamment informés? Ils ont trop de pouvoir? Est-ce qu'il y a un dysfonctionnement? Parce que vous ironisez, oui, sur le terme de dysfonctionnement. Oui, parce que c'est pudique. Si on devait jouer sur quelques, j'allais dire, sur quelques boulons, là, qu'est-ce qu'il faudrait tourner correctement pour que ça fonctionne mieux? Il faudrait vraiment prendre la mesure de la détermination des ennemis que l'on a en face de nous, qui sont particulièrement retors, particulièrement déterminés et qui ne se déradicalisent pas. Il y a quelque chose dont la secrétaire d'État chargée... Ils ne se soignent pas, dites-vous. Hein. Non. Bah, les ennemis sont des fanatiques, pas des fous. Ils ne se soignent pas. Oui, ce n'est pas des fous. Ce n'est pas une maladie, d'ailleurs. Hein. Ce sont des fanatiques. Donc, c'est très différent. Mais lorsque la secrétaire d'État chargée de l'aide aux victimes, Madame Juliette Méadel, qu'on a beaucoup vue, d'ailleurs, ces derniers jours, et encore hier, sur les plateaux de télévision, il y a une de ses propositions qu'elle a faite le 9 novembre dernier. C'est que, curieusement, elle n'en parle plus. Elle a proposé, sur la base du volontariat, ce qui est sympathique de sa part, c'est pas obligé, donc, que des victimes rencontrent des jeunes radicalisés pour un dialogue. Vous m'avez bien entendu. C'est-à-dire que la secrétaire d'État chargée de l'aide aux victimes veut présenter des jeunes radicalisés qui vont dire à des parents « Nous sommes heureux que l'estomac de vos enfants qui ont été tués brûle dans l'enfer d'Allah ». C'est ça qu'elle veut. Mais on est complètement hors sol. On est en plein délire. Il faudrait rencontrer un peu plus de victimes. Parce que là, franchement, pour beaucoup, c'est complètement... Enfin, on est ailleurs. On n'est pas dans la réalité. On n'est pas dans la réalité. Donc là, quand vous dites ça, vous visez ceux qui ont en charge la sécurité du territoire et de la nation. Bah là, elle est en charge l'aide aux victimes. Bon, oui, mais enfin, elle représente l'État. En tout cas, bah oui, tout à fait, elle représente l'État. Mais il y a d'autres éléments que je pointe dans le livre qui sont peut-être encore plus graves. C'est qu'il y a eu de véritables mensonges. Lorsque j'ai révélé dans le Canard enchaîné, et je l'ai confirmé dans le magazine Paris Match à la faveur d'une très longue enquête de 6 pages, justement l'enquête, l'instruction du juge Tessier sur le Bataclan 1, ce que j'appelle Bataclan 1, le projet d'attentat, Christiane Taubira, le jour même, donc nous sommes le 16 décembre 2015, un mois après les attentats, déclare sur le perron de l'Élysée à la sortie du Conseil des ministres, il n'y a pas de lien avéré entre les protagonistes de ce dossier d'instruction 2009-2012 et les terroristes qui ont frappé le 13 novembre. C'est faux, c'est un mensonge, puisque les frères Klein apparaissent noir sur blanc dans le premier dossier. Ne serait-ce que ça, mais il y a beaucoup d'autres éléments. Donc là, et je l'écris noir sur blanc, la garde des Sceaux a menti. Lorsque le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, est entendu sous serment devant la commission d'enquête parlementaire sur les moyens mis en œuvre par l'État pour lutter contre le terrorisme, il déclare qu'il n'a pas connaissance de ce dossier au motif qu'il est couvert par le secret de l'instruction. Ben, alors, à moins que la procédure pénale ait évolué, ce qui m'aurait échappé, c'est faux. Puisque un dossier qui a bénéficié d'un non-lieu, ça s'appelle un règlement du dossier, il n'y a pas de secret de l'instruction. Donc le ministre se contente d'avancer cet argument fallacieux devant la commission d'enquête. Et je relève que ni le président de la commission d'enquête parlementaire, M. Georges Fenech, pourtant lui-même ancien magistrat instructeur, ni d'autres députés, notamment M. Alain Marceau, lui-même ancien juge qui a créé le pôle antiterroriste du parquet de Paris, ne lui posent question. Alors là aussi, je ne pense pas qu'ils aient oublié leur cours de procédure pénale. Le ministre Bernard Cazeneuve avance encore, toujours devant cette commission, où il a témoigné 2h30 chrono pour parler de tous les attentats depuis janvier 2015 jusqu'au 13 novembre. Ça a duré 2h30 chrono. À titre de comparaison, lorsqu'Hillary Clinton, pour l'attentat de Benghazi contre l'ambassade américaine, a été entendu par les parlementaires américains, ça a duré 11 heures. Et les questions étaient autrement plus... C'était pas une discussion de salon où on se passe des petits gâteaux et du thé. Bernard Cazeneuve, à ce moment-là, dit « Je n'ai jamais vu, je confirme à la commission, je l'écris dans le livre, que je n'ai jamais vu une note faisant état d'une quelconque menace particulière contre le Bataclan ou toute autre forme de salle de spectacle. Je publie dans Vrai ou faux, il ne l'a jamais vue ou elle n'a jamais été transmise ? Eh bien, je publie dans le livre un document qui est issu du ministère de l'Intérieur, donc tu sais, là, qui est un arrêté d'expulsion pris le 19 juillet, donc 4 mois après cette audition devant la commission d'enquête parlementaire, pris par le ministre, et dans lequel cet arrêté d'expulsion vise Farouk Benabès. Il écrit noir sur blanc, Farouk Benabès avait un projet d'attentat contre le Bataclan. Donc, soit Bernard Cazeneuve a été informé de l'existence de cette enquête entre mars 2016, moment de son audition devant la commission d'enquête parlementaire, et juillet 2016. Donc en 4 mois, la version change. Il y a une déclaration fallacieuse devant la commission d'enquête parlementaire. Philippe Cohen-Grillet, ce sont quand même des accusations très lourdes là. Ce qui est très lourd, c'est 130 morts et 351 blessés. C'est appelé à se reproduire si le mécanisme ne change pas. Oui, si le système ne change pas. C'est ce que je viens de dire sur... Où faut-il que ça évolue ? Il faut que ça... D'abord, il y a sans doute, c'est vrai, une question de moyens. Il ne s'agit pas de faire des attaques ad hominem, même s'il n'est pas anormal dans une démocratie de rendre compte de ses actes. Mais c'est en effet un problème, d'abord, par exemple, de moyens. Il y a 324 dossiers antiterroristes aujourd'hui devant le parquet de Paris. 324. Il y a 13 juges d'instruction. Ça fait 25 dossiers par juge. Le seul dossier du Caire, qui est toujours en cours depuis 8 ans, les parents de Cécile Vanier, Cathy et Jean-Luc, auxquels je parle quasiment tous les jours, se font balader, il n'y a pas d'autre mot, depuis près de 8 ans. Ce dossier fait 24 000 pages. Le juge qui vient d'en hériter, c'est le troisième, le juge Choquet, qui a été nommé le 1er septembre dernier. Il est en plus en charge de l'attentat du Bardo à Tunis, mais également du terrorisme basque, de l'ETA. Il y a 20 000 fichiers S considérés comme dangereux sur le territoire national, dont 10 500 pour l'islam radical. Et les autres viennent d'où alors ? Alors les autres, la moitié quand même. Oui, mais il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout. C'est des accès. Alors c'est il y a terrorisme présumé basque, breton, corse bien évidemment, mouvance ultra altermondialiste, black blocs, etc. Donc il y a vraiment beaucoup de monde. Mais donc un peu plus de la moitié, c'est l'islam radical. En face, vous avez 3 800 fonctionnaires, tout compris à la DGSI, fonctionnaires du renseignement. 3 800. C'est quand même assez peu. Et le fait que les renseignements généraux aient été remodelés, ça a changé la donne ? Oui. Lorsqu'il y a eu une fusion décidée par Nicolas Sarkozy de la DST et des renseignements généraux en 2008, on a en partie... démanteler le renseignement territorial, le maillage du renseignement territorial. C'est notamment une des préconisations que je pense, et je suis loin d'être le seul à le penser, était très utile du rapport de la commission d'enquête présidée par Georges Fenech, de réactiver le renseignement territorial. Ça demande des moyens, ça demande de renouveler, encore de remettre sur l'établi, c'est vrai, la configuration de nos services de renseignement, mais c'est sans doute une question qui aujourd'hui se pose. Mais Philippe Cohen-Grillet, il y a quand même un point. On s'aperçoit que et c'est assez fréquent, finalement, dans ce genre de contexte, que beaucoup de terroristes étaient connus donc des services et jouaient même parfois une double casquette, un double rôle, parfois étaient utilisés par ces mêmes services, qui a beaucoup d'indicateurs. Oui. Alors, c'est le cas, par exemple, Mohamed Merah, on peut peut-être le dire. C'est-à-dire qu'il y a un côté réversible à ces personnalités qui fait qu'à un moment, ils ne sont plus gérés ou ils ne sont pas gérés, mais ils fournissaient des infos. Ils sont à la fois dans une zone grise, connue, pas connue et pas bien connue. C'est toute la difficulté de la lutte contre le terrorisme et c'est tout à l'honneur d'ailleurs des services de renseignement de la police de pouvoir faire un travail aussi délicat et compliqué. La guerre contre le terrorisme, elle se mène en secret et elle se mène au plus près, enfin sur le terrain et avec des gens qui sont extrêmement dangereux et rôdeurs. Mais bien évidemment, c'est en discutant avec eux, c'est en essayant de les infiltrer, c'est en essayant d'en retourner un certain nombre et d'en faire des informateurs qu'on obtient du renseignement. C'est pas uniquement du renseignement écoute téléphonique ou surveillance électronique, c'est également du renseignement humain. Et ça, c'est vrai que c'est un matériau qui est particulièrement instable et dangereux. Bon, les succès, on les connaît pas, ou peu. On les connaît pas, ou peu. C'est là que votre enquête est extrêmement sévère, de ce point de vue. Oui, tout à fait. Ah ben c'est la plus grande injustice pour les limiers de l'antiterrorisme, c'est qu'ils déjouent des attentats, beaucoup. Ils arrêtent des personnes extrêmement dangereuses. Beaucoup. On n'en parle quasiment jamais. Parce que l'attentat contre la salle de spectacle, on avait des infos quelques mois avant déjà même. Ça avait un petit peu... Oui, tout à fait. Ça avait fuité. En août 2015, c'est encore plus proche de la date des attentats, en août 2015, une personne, Reda H, a été arrêtée à Paris, elle venait de Syrie, elle était entendue et elle a indiqué clairement: j'ai pour mission de commettre un attentat contre une salle de spectacle parisienne. Elle a été entendue, notamment par le juge Trévidique, et la justice s'est dit le problème, c'est qu'en plein mois d'août, il y a beaucoup de salles de concert, il y a le festival Rock en Seine, on ne sait pas trop. Bon, voilà. Donc, c'est vrai, rétrospectivement, on peut se dire on était en août, mais il y avait également cette enquête de 2009 à fin 2012. Donc, c'est 3 ans avant les attentats, ce n'est pas 6 ans. Je reviens à Mohamed Merah. Il connaissait personnellement des policiers. Il était en contact, semble-t-il, personnellement, avec des agents de renseignement. Mais ce qui n'est pas du tout absurde, ce qui n'est pas du tout étonnant. D'abord, ces gens-là ont un parcours judiciaire. Ils sont connus de la justice. Merah, il avait un casier judiciaire grand comme une armoire normande. Hein. Donc, ce n'est pas des inconnus. Et quand ils sont fichés S, bien évidemment, ils ont été entendus. Et souvent, ils ont été entendus par des policiers antiterroristes. Donc, il y a parfois des liens qui se créent. On peut voir si on peut retourner la personne, s'il peut devenir un informateur ou non. Après, c'est toujours, en effet, extrêmement dangereux. Mais c'est nécessaire et c'est toute la difficulté, un signe extrême du travail des policiers et de la justice antiterroriste. Et encore une fois, je ne l'accuse pas de tous les maux. C'est un travail très, très complexe. Et est-ce qu'on pourrait imaginer, mais là vraiment, je ne sais pas, vous allez vraiment me répondre, est-ce qu'on peut imaginer que le non-lieu pour Farouk Ben Abbès, qu'un certain nombre de personnages qui sont en liberté, dont on ne sait pas où ils se trouvent, ce qui est le cas de Mehdi Maroufi aujourd'hui, donc le logisticien du Bataclan, est-ce qu'on peut imaginer que volontairement les services les laissent dans la nature? Parce qu'ils se disent, ils vont aller chercher de l'info et donc mécaniquement, ils vont nous en rapporter. Alors que si on les met à l'ombre, ils deviendront beaucoup moins opérationnels, beaucoup moins utiles. Est-ce qu'il y a cette idée-là? C'est une question très difficile. Moi, je ne pense pas que des policiers ou des magistrats prendraient un tel risque, sachant qu'il y a un péril et un danger immédiat, imminent et un péril très lourd. La preuve, Ben Abbès a été incarcéré pendant 16 mois tout de même, avant de bénéficier d'un non-lieu. En revanche, il y a un certain nombre de personnes, notamment les clins, qui sont non pas sortis des écrans radars, mais qu'on a laissé évoluer dans la nature, d'une façon un petit peu stupéfiante, en tout cas inexplicable, alors qu'on connaissait leur dangerosité extrême et leur capacité à reconstituer un réseau. Ils ont réussi à quitter le territoire national avec femmes et enfants plus de 2 mois après les attentats de Charlie et de l'hypercacher. C'est quand même extrêmement étonnant. Sans qu'on puisse soupçonner que ce soit volontaire de la part des services français. Non, mais également la sœur de Mohamed Merah a réussi à quitter le territoire. Elle a rejoint la Syrie via l'Espagne puis la Turquie. Il y en a un certain nombre qui arrivent à faire des allers-retours. C'est pas que c'est une passoire, mais c'est qu'ils sont très nombreux, c'est difficile de tous les surveiller. Le fait que vous ayez obtenu des documents, vous en publiez donc des centaines, oui. En soi c'est normal ça? Ben, dans une démocratie, chacun fait son rôle. Vous comme moi, on fait le nôtre, c'est-à-dire qu'on enquête. On pourrait se dire quand même, c'est invraisemblable, parce que vous publiez des conversations, des choses... Oui, je publie même des notes classées confidentielles défense. Alors, Eh oui, mais on n'a rien dit pendant 2 ans et demi des menaces contre le Bataclan. Est-ce qu'aujourd'hui, il faudrait mettre sous une chape de plomb. D'ailleurs, c'est ce qu'a dit Mme Méadel. J'en reviens, je ne veux pas m'acharner contre Mme Méadel. Voilà, de l'aide aux victimes que je ne connais pas et qui m'a l'air fort sympathique. Mais quand on lui a parlé de mon livre la semaine dernière sur chez vos confrères de France 2, elle a répondu en substance, il est interdit d'enquêter au motif que c'est ajouter de la douleur à la douleur pour les victimes. Et elle a conclu avec cette phrase d'une rare élégance, avec des si, on mettrait Paris en bouteille. Oui, mais avec des silences et des mensonges, on met surtout des victimes dans des cercueils. Les victimes, qu'est-ce qu'elles demandent ? D'abord, elles demandent le soutien, l'aide, la considération. Elles demandent une véritable prise en compte de tous les traumatismes, y compris les traumatismes psychologiques. Je dis cela égard à la question de l'indemnisation qui se pose, qui est extrêmement complexe et qui demande aujourd'hui vraiment beaucoup d'attention des services de l'État. Mais également, elle demande la vérité. Le 19 septembre dernier, François Hollande, le chef de l'État, lors de la cérémonie d'hommage aux victimes de tous les attentats, aux Invalides, a dit aux victimes, l'État vous doit vérité et transparence. Eh bien, c'est ce que les victimes attendent et demandent légitimement. La rhétorique, dernière question, Philippe Cohen-Grillet, la rhétorique du loup solitaire, est-ce que ça paraît pertinent encore aujourd'hui ? Moi, je n'y ai jamais cru. Alors d'abord, les loups, en général, ils vivent en meute. Ensuite, ce sont des animaux très sympathiques. Et dans tous les cas, on s'est aperçu, y compris pour l'assassin de Nice, qui lui, par exemple, n'était pas fiché. Lui était complètement hors des écrans radars. Qu'il était très entouré de personnes qui, elles, étaient ultra radicalisées. C'est certainement pas un loup solitaire. Merci beaucoup d'être venu ce matin, Philippe Cohen-Grillet. Nos années de plomb aux éditions Plein Jour du Caire au Bataclan. Autopsie d'un désastre. Merci d'être venu au lendemain du 13 novembre. Merci à vous. Retrouvez le podcast de cette émission sur le www.radionotredame.com. Et dans 4 minutes,